Le renard, troisième partie. À l'heure du thé, il eut une surprise. Il apparut à la porte de la salle à manger, tête en avant selon son habitude, et s'attarda un peu sur le seuil à inspecter l'intérieur de la chambre d'un regard pénétrant et prudent. Il portait un gilet à longues manches. Son visage était étonnamment pareil à une chose faite pour le seul plein air, comme les baies de houx. Pendant une seconde, il considéra les deux femmes assises aux extrémités opposées de la table. Il les considéra attentivement. Oh, surprise! March portait une robe de crêpe, de soie vert pâle. Il en resta bouche bée. Il eût poussé tout à coup une moustache à la jeune femme qu'il n'eût pas été plus surpris. « Comment ? » fit-il. « Vous portez donc une robe ?» Elle leva les yeux, rougit profondément et la bouche crispée dans un sourire. « Naturellement, que voudriez-vous que je porte ? Un uniforme de paysanne, tiens. »« Oh » cria-t-elle nonchalante. « Cela n'est que pour la sale besogne qu'il faut faire ici. » « Cet uniforme n'est donc pas votre vrai costume ?»« Non, pas dans la maison. » Mais elle ne cessait de rougir en servant le garçon. Il prit place à table sans pouvoir détacher ses yeux de March. Sa robe était parfaitement simple, de crêpe vert bleuâtre, avec une ligne de broderie dorée autour du col et des manches, lesquelles descendaient jusqu'au coude. Elle était un peu décolletée et montrait une gorge blanche et douce. Les bras, Henry les connaissait, forts et musclés, car il l'avait vue souvent manches retroussées, mais il la regardait du haut en bas, du haut en bas. Bunford, à l'autre bout de la table, ne disait mot, mais tournait et retournait sa sardine sur son assiette. Il avait oublié son existence. Il tenait les yeux sur March, tandis qu'il mangeait à grande bouchée, oubliant même son thé. « Eh bien, de ma vue, je n'ai vu pareil changement, » murmurait-il la bouche pleine. « Mon Dieu !» cria March, plus rouge encore. « Dirait-on pas que je suis un singe rose ?» Et, d'un mouvement rapide, elle se leva et porta la théière sur le feu, près de la bouilloire. Et comme elle se baissait sur l'âtre avec sa jupe verte autour d'elle, le garçon ouvrit des yeux plus grands que jamais. À travers le crêpe, sa forme de femme paraissait si douce, si féminine. Lorsqu'elle se redressait et allait, il voyait ses jambes se mouvoir doucement au-dedans de sa jupe courte. Elle portait des bas de soie noire et de petits souliers vernis ornés de petits anneaux d'or. Non, c'était une autre personne, quelque chose d'absolument différent. La voyant toujours affublée de ses culottes de gros draps, fort larges sur les hanches, boutonnées aux genoux et fortes comme une armure, de ses bandes molletières brunes et chaussées de ses gros souliers, il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pût avoir des jambes et des pieds de femme. Mais à présent, ses jambes s'entouraient d'une jupe. Il rougit jusqu'à la racine des cheveux, fourra son nez dans sa tasse et but son thé avec un petit bruit qui mettait Bunford hors d'elle. Et, chose étrange, tout à coup il se sentit un homme et non plus un adolescent. Il se sentit un homme avec tout le poids d'une responsabilité d'homme. Une curieuse tranquillité, une gravité bizarre lui envahit l'âme. Il se sentit un homme, paisible, avec sur lui un peu de la pesanteur de la destinée du mal. Sa robe la rendait douce et abordable. La pensée lui vint comme d'une responsabilité éternelle. « Oh, pour l'amour de Dieu, dites quelque chose, quelqu'un !» cria Bunford d'une voix colère. « On se croirait à un enterrement !» Le garçon la regarda et elle ne put supporter ce visage. « Un enterrement ?» dit March avec un sourire tordu. « Eh bien, mon pauvre rêve !» Elle avait soudain la pensée de Bunford dans la caisse en guise de cercueil. « Quoi, tu as rêvé à un mariage ?» dit Bunford sarcastique. « Quelque chose comme ça, oui. Le mariage de qui ? demanda le garçon. « Je ne m'en souviens pas. » Elle était timide et un peu gauche, quoique ses gestes, en raison de sa robe, eussent moins de brusquerie. Elle se sentait comme un fruit pelé et un peu exposé, presque inconvenante. Ils s'entretinrent à bâtons rompus du départ d'Henry, fixé au lendemain, et firent les préparatifs d'usage. Mais de la chose qui les préoccupait, aucun ne dit mot. Ils furent assez tranquilles et amicaux ce soir-là. Bamford n'avait réellement rien à dire, mais elle paraissait calme, peut-être aimable. À 9 heures, March apporta le plateau du sempiternel thé et un peu de viande froide que Bamford avait réussi à se procurer. C'était le dernier souper. Bamford ne voulait pas être désagréable. Elle éprouvait un rien de tristesse pour le garçon. Allons, elle devait se montrer aussi aimable que possible. Lui, il désirait qu'elle montât se coucher. C'était d'ordinaire elle qui prenait les devants. Mais elle demeurait assise sur sa chaise, sous la lampe, donnant par-ci par-là un coup d'œil à son livre et regardant fixement le feu. Un profond silence régnait. Il fut rompu par March, qui, doucement, demanda. « Quelle heure, Jill ?»« 10h05, » dit Bamford en consultant sa montre bracelet. Après quoi, pas un bruit. Le garçon avait levé les yeux de dessus le livre qu'il avait sur les genoux. Sa figure large, sa figure de chat avait son air obstiné, ses yeux observés. « Si on allait dormir, » dit enfin March. « Quand tu voudras, » dit Bamford. « Oh, très bien, » fit March, « je vais préparer ta bouillotte. » Aussitôt fait que dit. La bouillotte prête, elle alluma une bougie et monta. Bamford restait sur sa chaise, écoutant avec attention. March redescendit. « Eh bien, viens-tu ?»« Oui, dans une minute. » Mais la minute passa et elle demeurait vissée à sa place. Henry, dont les yeux luisaient comme ceux d'un chat aux aguets, et dont la face semblait s'élargir encore, plus joufflue, plus que jamais pareil à un chat, plus obstiné, se dressa sur ses pieds pour tenter un effort. « Je pense que j'irai voir si je peux trouver la femelle du renard, » dit-il. « Qui sait si elle n'est pas rôdée par là autour ?»« Ne viendrez-vous pas une minute, Nelly ? À nous deux, nous verrions mieux. « Moi ?» cria March, levant un visage étonné, effaré. « Oui, venez. » Sa voix eut une intonation merveilleusement douce et chaude et caressante, si intime que Bamford en eut le sang bouillant de colère. « Venez, » répéta-t-il, en abaissant les regards sur le visage que March, indécise, levait vers lui. Et elle obéit, comme attirée par la face jeune et fraîche. « J'aime à croire que tu ne vas pas sortir à pareille heure, Nelly !» cria Bamford. « Si, une petite minute !» dit le garçon, en se tournant vers elle et d'un ton plutôt sec. March regarda Bamford, puis Henry, comme troublée, absente. Bamford sauta sur ses pieds pour la bataille. « Mais c'est ridicule, il gèle à pierre fendre. C'est la mort que tu vas chercher avec cette robe légère et ces pantoufles. Tu ne feras pas ça !» Il y eut un moment de silence. Bamford prit la position d'un petit coq de combat. « Oh, je ne vois pas que vous ayez à vous tourmenter, » répliqua-t-il. « Un instant sous les étoiles ne fera de mal à personne. Je prendrai la couverture du canapé à la salle à manger. »« Vous venez, Nelly ?» Sa voix avait tant de colère, de dédain, de fureur lorsqu'il s'adressait à Bamford, de tendresse et de fière autorité quand c'était à March que celle-ci répondit. « Oui, je viens. » Et, avec lui, elle se dirigea vers la porte. Bamford, debout au milieu de la chambre, éclata soudain en un long gémissement, en sanglots convulsifs. De ses pauvres petites mains, elle se couvrit le visage et ses minces épaules tremblaient. March, près de la porte, se retourna. « Jill ! » cria-t-elle, d'une voix passionnée, comme quelqu'un qui vient de s'éveiller. et elle fit le mouvement de courir vers sa chérie. Mais le garçon la tenait fortement, elle ne put bouger. Elle ne se rendait pas compte pourquoi. C'était comme dans un rêve, lorsque le cœur lutte et que le corps ne peut remuer. « Bah, » dit Henry doucement, « laissez-la pleurer, laissez-la pleurer. Plus tôt ou plus tard, il faudra qu'elle pleure. Et les larmes calmeront ses sentiments, ça lui fera du bien. » Et il l'entraînait lentement. Mais le dernier regard de March fut pour la pauvre petite chose qui était debout au milieu de la chambre, la face couverte et les maigres épaules secouées d'amers sanglots. Dans la salle à manger, il prit la couverture. « Enveloppez-vous là-dedans !» Elle obéit, et ils arrivèrent à la porte de la cuisine, lui tenant March doucement et fermement par le bras, sans qu'elle s'en rendît compte. À la vue de la nuit, elle recula. « Je dois retourner vers Jill, » dit-elle. « Il le faut, il le faut !» Le ton était décisif. Le garçon la lâcha, et elle se retourna du côté de la maison. Mais de nouveau, il la saisit, l'arrêta. « Une minute, » dit-il, « une minute. Même si vous allez, pas tout de suite. Lâchez-moi, lâchez !» cria-t-elle. « Ma place est aux côtés de Jill. La pauvre petite créature, elle pleure toutes les larmes de son cœur. » « Oui, » dit le garçon amèrement, « et de votre cœur aussi, et du mien pareillement. Votre cœur !» Il la tenait et retenait toujours. « Est-ce qu'il ne vaut pas le sien ? Pensez-vous qu'il ne le vaille pas ?»« Votre cœur ?» répéta March incrédule. « Oui, mon cœur, mon cœur. Croyez-vous que je n'en ai point ?» Et il lui saisit la main qu'il appuya contre son sein gauche. « Tenez, le voilà, mon cœur, si vous n'y croyez pas. » Étonnée, elle écouta. Elle sentit le battement profond, lourd, puissant, de ce cœur, terrible comme quelque chose venu de l'au-delà. Quelque chose d'effrayant, du dehors, et qui lui faisait des signaux d'avertissement. Et ces signaux la paralysaient. Les coups retentissaient en son âme, la mettaient au désespoir. Elle oublia Jill, elle ne pouvait plus penser à Jill, elle ne pouvait plus penser à elle. Oh, ces terribles signaux! Il lui passa un bras autour de la taille. « Venez avec moi, » fit-il doucement. « Venez, et disons ce que nous avons à dire. » Il l'emmena au dehors et ferma la porte. Et elle descendit avec lui le sentier du jardin. Comment? Il avait un cœur qui battait? Et son bras autour d'elle, par-dessus la couverture. Qui donc était ce garçon? Et qu'était-il? Elle était trop troublée pour y penser. Il la conduisit jusqu'à un coin sombre du hangar où il y avait une caisse d'outils avec un couvercle, longue et basse. « Asseyons-nous ici une minute. » Et, obéissante, elle prit place à côté de lui. « Donnez-moi la main. » Elle lui donna les deux mains qu'il prit entre les siennes. Il était jeune et cela le faisait trembler. « Vous m'épouserez. Vous m'épouserez avant mon départ ? » ?»« Eh bien, ne formons-nous pas une belle paire de fous ? » dit-elle. Il l'avait menée dans le coin pour qu'elle ne pût voir la fenêtre éclairée de la maison, par-delà l'obscurité de la cour et du jardin. Il s'ingéniait à la garder là, dans ce hangar, avec lui. « Pourquoi une paire de fous ? » dit-il. « Si vous venez au Canada avec moi, il y a là-bas du travail qui m'attend, un bon salaire. » Et l'endroit est joli, près des montagnes. Pourquoi ne m'épouseriez-vous pas? Pourquoi ne m'épouseriez-vous pas? J'aimerais tant vous avoir là-bas, près de moi, sentir que j'ai quelqu'un là, à mon côté, toute ma vie. Vous n'auriez pas de peine à trouver quelqu'un d'autre qui vous conviendrait mieux? Oui, je n'aurais pas de peine à trouver une autre fille, je le sais, mais pas celle que je voudrais. Je n'en ai jamais rencontré que je voulais vraiment, pour de bon. Comprenez bien, je pense à ma vie tout entière. Si je me marie, je veux sentir que c'est pour la vie. Des autres filles? Oh, il y en a. Assez bien pour faire une balade à l'occasion. Assez jolie pour un moment de rigolade. Mais quand je pense à ma vie, alors je ne me soucie pas de prendre une de ces filles, pour sûr. Vous voulez dire qu'elles ne feraient pas de bonnes épouses? Exactement. Mais non qu'elles ne feraient pas leur devoir envers moi. Ce que je veux dire, est-ce que je sais ce que je veux dire? Seulement, lorsque je pense à ma vie, et puis à vous, Alors les deux choses vont très bien ensemble. » Et si elle n'allait pas, fit-elle de sa manière drôle, sardonique. « Oh, je suis sûre que ça ira. » Ils restèrent un temps silencieux. Il tenait ses mains dans les siennes, mais sans lui faire de caresses. Depuis qu'il la savait femme, vulnérable, accessible, une certaine lourdeur pesait sur son âme. Il n'avait point le désir de la caresser. Il répugnait à un tel geste, il en avait presque peur. Femme, vulnérable, elle lui était accessible enfin. Il reculait devant ce qui pouvait arriver dans un sentiment voisin de l'épouvante. C'était une sorte de ténèbres où il savait qu'il entrerait finalement et il avait à rendre compte de l'étrange vulnérabilité qu'il venait de découvrir en elle tout soudain. « Non, dit-elle enfin, je suis folle, je vois que je suis folle. Folle ? De quoi ? De continuer avec cette affaire. C'est moi que vous entendez. Non, moi, je me rends ridicule. Et comment ? C'est donc que vous ne voulez pas m'épouser, réellement ? Oh, j'ignore si je suis contre ça, en fait. Voilà le mot, j'ignore. » Il la regardait, intriguée. Il ne savait au monde ce qu'elle voulait dire. « Ignorez-vous si ça vous fait ou non plaisir d'être assise ici avec moi en ce moment ? Vraiment, je ne sais. Je ne sais si j'aimerais être ailleurs ou si ça me plaît d'être ici. Réellement, je ne sais. » Voudriez-vous être avec Miss Bamford ? Aimeriez-vous être allé dormir avec elle ? Demanda-t-il provoquant. Ce ne fut qu'après un grand moment qu'elle répondit. Non, pas ça. Pensez-vous que vous passeriez toute votre vie avec elle, jusqu'à ce que vous soyez une vieille à cheveux blancs ? Non, fit-elle, avec beaucoup d'hésitation. Je ne nous vois pas, Jill et moi, vieillir ensemble. Et ne croyez-vous pas que lorsque je serai vieux et que vous serez vieille, nous pourrions encore vivre ensemble comme à présent ? Oh, pas comme à présent, répliqua-t-elle, mais je pourrais imaginer. Non, je ne puis. Je ne puis vous imaginer vieux, sans compter que c'est terrible. Quoi ? D'être vieux ? Oui, naturellement. Mais pas quand le temps est venu, fit-il. Mais il n'est pas venu, seulement il viendra. Et quand il sera là, j'aimerais à penser que vous y seriez aussi. Oui, quelque chose comme une pension de retraite pour vieux. L'espèce d'humour sans esprit qui était le sien le trouvait toujours au dépourvu. Il ne savait jamais ce qu'elle voulait dire. Elle ne le savait pas très bien elle-même, probablement. Non, dit-il froissé. Je ne comprends pas ce qui vous prend de parler de la vieillesse, regimba-t-elle. Je n'ai pas 90 ans. Est-ce que j'ai dit que vous les aviez ? Répliqua-t-il offensé. Ils restèrent un instant sans parler, leurs pensées prenant dans le silence des directions opposées. « Il ne faudrait pas vous payer ma tête, » dit-il. « Non ? » fit-elle énigmatique. « Non, parce que en cette minute, je suis sérieux, et quand je suis sérieux, je le suis bien. » « Et alors, il ne s'agit pas qu'on se paie votre tête ? » « Parfaitement, et je me prends moi-même au sérieux. » « Et alors, voilà, je n'entends pas qu'on se fiche de moi. » Elle ne dit rien pendant un moment. Puis, d'un ton vague, presque désolé, « Je ne me moque pas de vous. » Il se sentit submergé sous une vague de chaleur. « Vous me croyez, n'est-ce pas ?»« Oui, je vous crois, » répondit-elle, d'une voix devenue traînante et nonchalante, comme si, de fatigue, elle cédait. Mais il n'y prit pas garde. Il avait le cœur chaud et exigeant. « Ainsi, vous consentez à m'épouser avant mon départ ? Peut-être à Noël ? Oui, je veux bien. « Là, s'écria-t-il, affaire conclue. » Et il demeura silencieux, inconscient, tout son sang lui bouillant en toutes les veines, comme une coulée de feu en toutes les branches et rameaux de son être. Il pressait seulement sur sa poitrine les deux mains de la jeune femme, inconsciemment. Quand l'étrange passion commença de se calmer, il parut se réveiller à la réalité du monde. « Rentrons, voulez-vous ? » dit-il, comme s'apercevant qu'il faisait froid. Sans mot dire, elle se leva. « Embrassez-moi d'abord, à présent que c'est promis. » Et il la baisa sur la bouche, doucement, d'un jeune baiser, d'un baiser effrayé. Elle en fut elle-même jeune infiniment, effrayée aussi, étonnée, et lasse, lasse comme si elle tombait de sommeil. Ils rentrèrent, et dans le petit salon, accroupi près du feu comme une étrange petite sorcière, il y avait Bunford. À leur entrée, elle tourna des yeux rougis, mais sans se lever. Il lui trouva l'air épouvanté, pas naturel, accroupi là et les regardant. Quel air méchant, pensa-t-il, et il croisa les mains. Bunford vit la face fraîche, exaltée du jeune homme. Il semblait étrangement grand et vif et important. Et March éprouvait le besoin de cacher son visage. « Enfin, vous voilà !» dit Bunford d'un ton déplaisant. « Eh oui, nous voilà !» dit le garçon. « Vous êtes restés assez longtemps pour faire n'importe quoi ?» poursuivit-elle. « Mais oui, c'est arrangé. Nous nous marions aussitôt que possible, » répliqua-t-il. « Oh, c'est arrangé, vraiment !» « Eh bien, j'espère que vous ne vivrez pas assez pour vous en repentir. »« Je l'espère aussi. »« Et toi, viens-tu? Viens-tu te coucher à présent ?»« Oui, à présent j'y vais. »« Alors, pour l'amour du ciel, arrive. » March regarda Henry. Et lui, de toute la vivacité de ses yeux, il guettait March et Bunford. March lui jeta un coup d'œil ardent. Elle désirait ne point le quitter. Que n'était-elle déjà sa femme et tout serait fini? Car, oh, elle avait le sentiment soudain qu'avec lui c'était la sécurité. Elle se sentait si étrangement sauve et paisible en sa présence. Si seulement elle pouvait dormir sous sa garde et non avec Jill. Elle éprouvait une peur de Jill. En l'état vague, tendre où elle était maintenant, c'était une agonie d'avoir à suivre Jill et à dormir avec elle. Elle avait besoin que le garçon la sauvât. Elle le regarda encore. Et lui, de ses yeux observateurs, devina quelque chose de ce qu'elle ressentait. Ça l'intriguait, ça lui faisait mal qu'elle dût aller avec Jill. « Je n'oublierai pas ce que vous avez promis, » dit-il, les yeux dans les yeux. Et si bien qu'il semblait l'emplir tout entière de son singulier regard. Elle lui sourit faiblement, doucement. De nouveau, elle était en sûreté avec lui. Mais, en dépit de toutes ses précautions, il eut un mécompte. Le matin du départ, il décida March à l'accompagner à la ville, à 6 miles de là. Ils se rendirent à l'état civil et firent afficher la promesse de mariage. À Noël, il reviendrait pour la cérémonie. Au printemps, il espérait emmener March au Canada, maintenant que la guerre avait réellement pris fin. Bien que très jeune, il avait des économies. « Car il ne faut jamais rester sans un brin de galette quand on peut, » dit-il. Elle le vit monter dans le train de l'Ouest. Son camp était à la plaine de Salisbury. De ses grands yeux sombres, elle le regardait s'en aller, et à mesure que le train s'éloignait, c'était comme si toute la réalité de la vie se retirait avec la fraîcheur de cette face bizarre, joufflue, qui semblait si large et jamais ne paraissait changer d'expression, sauf quand un nuage de colère boudeuse était suspendu sur son front ou que ses yeux vifs regardaient fixement. C'était ce qui arrivait à présent. Penché à la fenêtre du wagon, il disait au revoir et tenait les yeux fixés sur March, mais le visage absolument immobile. Nulle émotion sur ce visage. Les yeux seuls se rétrécissaient, devenaient fixes et perçants dans leur observation, comme les yeux d'un chat qui soudain voit quelque chose qu'il ne perd plus de vue. Ainsi regardaient ses yeux tandis que s'éloignait le train, et elle demeurait là dans le sentiment d'un complet abandon. Privée de sa présence physique, il lui semblait n'avoir plus rien de lui. Elle n'avait rien de rien. Il n'y avait que son visage qui demeurait fixé en son esprit. Les joues pleines et fraîches, immobiles, le bout de son nez droit et au-dessus la rigidité des yeux. Tout ce qu'elle pouvait se rappeler, c'était sa manière de plisser tout à coup le nez quand il riait, comme fait un jeune chien quand il gronde en jouant. Mais de lui-même et de ce qu'il était, elle ne savait rien. Il ne lui restait rien. 9 jours plus tard, il reçut cette lettre. « Cher Henry, j'ai bien réfléchi à toute cette affaire, et voilà, ça me paraît impossible. Quand vous n'êtes pas là, c'est alors que je vois quelle folle je suis. Quand vous êtes là, on dirait que vous me bouchez les yeux et que je ne vois pas les choses comme elles sont en réalité. Vous me faites voir des choses qui ne sont pas vraies et je ne sais quoi. Et puis, de nouveau seul avec Jill, il me semble que je reprends mes esprits et je comprends à quel point je suis ridicule et combien je suis malhonnête à votre égard. Car il faut que je sois malhonnête envers vous pour donner suite à ça, quand je ne puis pas sentir en mon cœur que je vous aime pour de vrai. Je sais que les gens disent un tas de bêtises à propos de l'amour, et je ne veux pas faire de même. Je veux m'en tenir au simple fait et agir d'une façon raisonnable. Et c'est justement ce qu'il me semble que je ne fais pas. Je ne vois pas pour quel motif je vous épouserai. Je sais que je ne suis pas chavirée d'amour pour vous, comme je m'imaginais l'être pour des garçons quand j'étais une jeune bête de fille. Vous m'êtes, vous, absolument étranger, et il me semble que vous le serez toujours. Ainsi, pour quel motif est-ce que je vous épouserai? Quand je pense à Jill, elle m'est 10 fois plus réelle. Je la connais, je l'aime infiniment, et je me déteste comme une brute si jamais il m'arrive de lui faire la moindre peine. Nous passons notre vie ensemble, et lors même que cette vie ne devrait pas durer toujours, tant qu'elle dure, c'est une vie. Et qui sait si elle n'ira pas aussi longtemps que nous-mêmes? Qui sait combien de temps nous avons à vivre? Jill est une délicate petite chose. Personne ne sait peut-être comme moi comme elle est délicate. Quant à moi, j'ai le sentiment que je pourrais tomber dans le puits à tout instant. Ce qu'il me semble que je ne vois pas du tout, c'est vous-même. Quand je pense à tout ce que j'ai été, à tout ce que j'ai fait avec vous, j'ai bien peur d'avoir le timbre un peu fêlé. Est-ce que je me ramollirai déjà? J'en serai très triste, mais ça en a tout l'air. Vous êtes si parfaitement étranger, si loin de mes habitudes, et nous ne paraissons pas avoir une seule chose en commun. Pour ce qui est de l'amour, le mot même semble impossible. En ce qui concerne Jill, je sais ce qu'amour veut dire, mais par rapport à vous, je sais que c'est une impossibilité absolue. Et puis, allez au Canada. Je devais être folle, pour sûr, quand je vous ai promis une telle chose. Franchement, je me fais peur. J'ai le sentiment que je pourrais faire quelque chose de réellement loufoque dont je ne serais pas responsable et finir mes jours dans une maison de fous. Vous avez le droit de penser que c'est tout ce qui m'attend après ma façon d'agir, mais ce n'est pas une pensée agréable pour moi. Dieu soit loué que Jill soit là. Sa présence me rend la raison. Sans quoi, je ne sais pas trop ce que je ferai. Je pourrais avoir un accident de fusil un beau soir. J'aime Jill. En me reprochant avec tant d'amour d'être si folle, elle me sauve de moi-même et me rend la raison. Eh bien, ce que je veux dire est ceci. Renonçons à toute cette affaire. Je ne puis être votre femme et réellement, je ne commettrai pas ce qui me semble une erreur. Oui, c'est une grande erreur. Je me suis rendue ridicule. Je vous présente des excuses et je vous prie d'oublier. Votre peau de renard sera bientôt prête. Elle a très bonne façon. Je vous l'enverrai par la poste si vous voulez bien me faire savoir si cette adresse est encore exacte et si vous acceptez mes excuses pour la façon affreuse et folle dont je me suis conduite avec vous. Jill vous envoie ses compliments. Sa mère et son père sont maintenant avec nous et resteront jusqu'après Noël. Votre très sincère, Hélène March. Il nettoyait son fourniment quand on lui remit cette lettre. Il serra les dents, pâlit de fureur, les yeux se cerclèrent de jaune. Il ne dit rien, ne vit rien, gonflé d'une rage livide qui bannissait toute raison. Floué, floué pour la seconde fois. Floué. Il voulait cette femme. Sur elle, il avait jeté son dévolu. Oui, c'était chose arrêtée. Avoir cette femme était sa destinée, sa récompense. Elle était son ciel et son enfer sur terre, et il n'en aurait d'autre nulle part. Il demeura toute la matinée aveugle de rage et de fureur méchante. S'il n'avait pas occupé son esprit à trouver le moyen de sortir de cette difficulté, il se fût porté à quelque folie. Tout au fond de lui-même, il sentait comme la présence d'un être qui hurlait, rugissait, grinçait des dents, brisait tout. Mais il était trop intelligent. Il savait que la société l'enserrait de toutes parts. Il devait tracer un plan. Les dents serrées, le nez curieusement et légèrement retroussé, comme une créature vicieuse, et les yeux fixes, il vaqua toute la matinée à sa besogne, ivre, étouffé de colère. En son esprit, une seule chose, Banford. Il ne s'arrêta point aux épanchements de March. Il y avait une épine empoisonnée, enfoncée en son esprit, Banford. En son esprit, en son âme, en tout son être, une seule épine injectant le poison de la folie. Il fallait arracher cette épine. Il fallait arracher de sa vie l'épine Banford, dût-il en crever. Sous la pression de cette idée unique, il alla solliciter une permission de 24 heures, bien qu'il n'y eût pas droit. Il avait de son projet une vue miraculeusement claire. Il savait où il devait aller, vers le capitaine. Mais comment parvenir jusqu'à lui? Dans ce grand camp de cabanes de bois et de tentes, il n'avait aucune idée du lieu où nichait le capitaine. Mais il se rendit à la baraque des officiers, et là se trouvait son capitaine, causant debout avec 3 autres. Henry demeura sur le seuil, en position. « Puis-je parler au capitaine Berryman ?»« Que voulez-vous ? » cria le chef. « Puis-je vous parler, capitaine ? » ?»« Que voulez-vous ? » répondit l'autre, sans quitter le groupe de ses collègues. Pendant une minute, sans parler, Henry observa son supérieur. « Vous ne direz pas non, monsieur, n'est-ce pas ? » demanda-t-il gravement. « Cela dépend. Puis-je avoir une permission de 24 heures ? Non, vous venez de rentrer. Il me faut cette permission. J'ai déjà répondu. Ne me renvoyez pas, mon capitaine. » Il y avait quelque chose d'étrange à ce garçon, planté là dans le cadre de la porte. Le capitaine en eut immédiatement l'impression et il posa sur lui un œil scrutateur. « Eh bien, que se passe-t-il » dit-il curieux. « J'ai du tourment à propos de quelque chose. Il faut que j'aille à Blueberry. »« Ah, Blueberry, il s'agit de ses filles. »« Oui, capitaine, d'une femme. » Et le garçon, comme il était là, debout, la tête un peu inclinée en avant, devint tout à coup affreusement pâle, jaune, et ses lèvres parurent exprimer la souffrance. Le capitaine le vit et pâlit un peu lui-même. Il se détourna. « Allez donc, mais pour Dieu, pas de grabuge !»« Non, capitaine, merci !» Il était parti. Le capitaine, bouleversé, avala quelques lampées d'eau-de-vie. Henry loua une bicyclette. Il était midi lorsqu'il quitta le camp. Il avait à faire 60 milles par des chemins de traverse mouillés et boueux, mais il se mit en selle et en route sans prendre la moindre nourriture. À la ferme, March s'occupait depuis un moment à certaines besognes. Un bouquet de sapins d'Écosse se dressait à l'extrémité de la remise, sur un petit talus où courait la palissade entre 2 prés hérissés de genêts. Le plus éloigné de ces arbres était mort. Il avait péri dans l'été et n'offrait plus à la vue que des aiguilles brunes et sèches. Il n'était pas très grand. March résolut de l'abattre, bien qu'on n'eût pas le droit de toucher à un seul tronc d'arbre. Mais ça ferait un si beau feu en ces jours où le combustible manquait. Depuis une semaine au plus, elle donnait de temps à autre quelques coups de hache contre le tronc, tout au bas, près du sol, de façon qu'on ne remarquât rien. Elle n'avait point usé de la scie. C'était trop forte tâche pour elle seule. Maintenant, l'arbre présentait une large entaille à sa base. Il avait l'air de ne tenir, pour ainsi dire, qu'à un fil. Il était prêt de tomber, mais il ne tombait pas. C'était vers la fin d'une humide après-midi de décembre. De froids brouillards montaient des bois et des creux des prés, et la nuit attendait de fondre du ciel. Il y avait un peu de jaune à l'endroit où le soleil disparaissait, par-delà des bois, à l'horizon lointain. March prit sa hache et s'approcha de l'arbre. Les coups que le frappaient retentissaient assez faiblement. Manford sortit de la ferme, vêtu de son épais manteau, mais tête nue, en sorte que ses maigres cheveux flottaient au vent désagréable qui bruissait dans les pins et dans le bois. « Ce qui m'effraie, dit Manford, c'est qu'il tombera sur la remise et nous voilà avec des réparations sur les bras. « Oh, je ne crois pas, dit March, qui, se redressant, essuya son front en sueur d'un revers de bras. Elle avait le visage tout rouge, les yeux béants et bizarres, la lèvre supérieure relevée et découvrant les deux incisives blanches, ce qui lui donnait comiquement une apparence de lapin. Un gros petit homme, vêtu d'un pardessus noir et coiffé d'un chapeau melon, traversa la cour en trottinant, visage rose, barbe blanche et petits yeux pâles. Il n'était pas très vieux, mais vigoureux, et il marchait à pas menus. « Qu'en dites-vous, papa ? » dit Manford. « Ne croyez-vous pas qu'il pourrait toucher la remise en tombant ?»« La remise ? Non, dit le vieillard. Il ne peut toucher la remise. La palissade, plutôt. »« Oh, la palissade, peu importe, dit March de sa voix perchée. « C'est moi qui ai tort, comme toujours, » dit Manford en écartant ses mèches folles de devant ses yeux. L'arbre se dressait sur un seul muscle, penché et craquant dans le vent. Il avait grandi sur le bord d'un petit fossé à sec, entre les deux prés. Sur la crête du talus courait une seule palissade, jusqu'au buisson plus haut. Le groupe de conifères était près du portail par où l'on entrait dans la cour. À ce portail venait, par les prairies mélancoliques, le sentier herbu, creusé d'ornières, qui reliait la ferme à la grande route. Les trois personnes étaient derrière l'arbre, dans le coin du pré où se trouvait la remise, juste au-dessus du portail. La maison, avec ses deux pignons et son porche, reposait propète en son jardinet vert au fond de la cour. Une petite femme, boulotte, visage rose, les épaules couvertes d'un petit châle de laine rouge, était entrée en scène et se tenait sous le porche. « Il n'est pas encore par terre ? » demanda-t-elle d'un bout de voix criarde. « On est justement en train d'y penser !» cria son mari. Le ton qu'il prenait pour parler aux deux jeunes femmes était toujours un tantinet moqueur, satirique. March se refusait à continuer son travail quand le vieux était là. Pour lui, il ne se fût pas baissé pour ramasser un morceau de bois, étant toujours à se lamenter, comme sa fille, sur son rhumatisme à l'épaule. Ainsi, l'arbre resta debout un moment, tranquille en son coin, près de la cour, dans la froide après-midi. Ils entendirent le battement éloigné d'un portail, et ils dressèrent le cou pour voir. Là-bas, sur le sentier vert horizontal, quelqu'un remontait à bicyclette, et, roulant sur le gazon, approchait. « Mais c'est un de nos garçons, c'est Jack !» dit le vieux. « Impossible !» dit Manford. March regarda. Elle seule reconnut l'uniforme kaki. Elle rougit, mais ne dit rien. « Non, ce n'est pas Jack, je ne pense pas !» dit le vieux, braquant sur le cycliste ses petits yeux ronds et bleus sous la blancheur des cils. Bientôt la bicyclette arrivait et le voyageur descendit au portail. C'était Henry, la face mouillée et rouge et crottée. Il n'était que bout, des pieds à la tête. « Oh !» cria Manford comme effrayé. « Mais c'est Henry !»« Quoi ?» marmotta le vieux. Il parlait d'une voix épaisse, rapide, et il était légèrement sourd. « Quoi ? Quoi ? Qui est-ce ? Qui dis-tu que c'est ? Ce jeune homme ? Le jeune homme de Nelly ? Ho, ho !» Et le satirique sourire parut sur le visage rose et les cils blancs. Henry, repoussant ses cheveux mouillés de son front fumant de sueur, les aperçut et entendit les paroles du vieux. Son jeune visage rouge avait l'air de flamber dans la lumière froide. « Oh, vous voilà tous !» dit-il, riant de son rire soudain qui lui donnait un air de toutou. Il avait si chaud, et la course l'avait à tel point étourdi, que c'est à peine s'il savait où il était. Il appuya la bicyclette contre la palissade et grimpa sur le talus sans entrer dans la cour. « Eh bien, je dois vous dire, nous ne nous attendions guère à vous voir, » fit Bamford laconiquement. « Non, je ne le pense pas, » dit-il en regardant March. Elle restait à l'écart, nonchalante, un genou incliné et le fer de la hache reposant mollement sur le sol. Ses yeux étaient grands ouverts, vagues, et sa lèvre supérieure relevée découvrait les dents, lui donnant cet air de lapin désespéré, fasciné. Le moment où elle vit la face rouge du garçon se fit fait de la pauvre March. Elle était aussi perdue que si elle eût été liée. Le moment où elle vit la façon dont cette tête semblait lancée en avant. « Eh bien, qui est-ce? Qui est-ce, voyons ?» demandait le souriant et caustique vieillard de sa voix marmotteuse. « Mais, monsieur Grenfell, dont vous nous avez entendu parler, papa ?» dit Bamford froidement. « Entendu parler? Oui, je crois bien. Il n'a été question que de ça, en fait, » grommela le bonhomme, son petit sourire goguenard épandu sur le visage. « Bonjour, » ajouta-t-il, en tendant tout à coup la main à Henry. Le garçon, surpris, serra cette main. « En bécane, de la plaine de Salisbury, eh ?» demanda le vieux. « Oui. Un bon bout de chemin. Combien de temps ça vous a-t-il pris, hein ?»« Un moment, hein ?»« Plusieurs heures, je suppose. »« 4 environ. »« Ah, 4 ? Oui, c'est bien ce que j'aurais pensé. Quand repartez-vous ?» « J'ai la permission jusqu'à demain soir. »« Jusqu'à demain soir, eh ?»« Oui, les filles ne vous attendaient pas, eh ?» Et le vieux tourna du côté des jeunes femmes ses petits yeux ronds bleu pâle sous la blancheur des cils. Henry de même. Il était devenu un peu embarrassé. Il regarda March qui regardait toujours fixement au loin comme pour voir où était le bétail. Elle avait la main sur le pommeau de la hache dont le fer reposait mollement sur le sol. « Qu'étiez-vous en train de faire là ? » demanda-t-il de sa voix douce et polie. « Vous abattez un arbre ?» March ne parut pas entendre, comme perdu en extase. « Oui, » dit Bamford, « voilà plus d'une semaine que nous y travaillons. »« Oh, et toute seule ?»« Nelly, oui, moi je n'ai rien fait. »« Vraiment, vous avez dû en mettre ?» dit-il, s'adressant à March d'une voix étrangement douce. Elle ne répondit pas, mais demeura à demi détournée, les yeux fixés sur les bois là-haut, comme en extase. « Nelly !» cria Bamford d'une voix perçante. « Ne peux-tu répondre ?»« Quoi ? Moi ?» cria March, qui se tourna brusquement et promena ses regards de l'un à l'autre. « Est-ce que quelqu'un m'a parlé ?» Elle rêvait. Marmotta le vieux en se détournant pour sourire. « Elle doit être amoureuse, eh, pour rêver en plein jour. »« M'avez-vous dit quelque chose ?» fit March, regardant le garçon comme d'un bizarre lointain, les yeux immenses et interrogateurs, le visage rougissant délicatement. « Je disais que vous avez dû joliment en mettre, » répondit-il courtoisement. « Oh, ça, petit à petit, je pense qu'il devrait être par terre à présent. » « Dieu merci qu'il ne soit pas tombé pendant la nuit pour nous faire une peur mortelle, » dit Bamford. « Laissez-moi finir ça pour vous, voulez-vous » dit-il. March inclina vers lui le manche de la hache. « Ça vous ferait plaisir ?»« Oui, si vous le désirez. »« Oh, je serai contente qu'il soit là-bas, voilà tout, » répliqua-t-elle nonchalamment. « De quel côté va-t-il tomber ?» dit Bamford. « Est-ce qu'il touchera la remise ?» « Non, il ne touchera pas la remise. Je penserai qu'il tombera là. Oui, c'est évident. Pourtant, il pourrait tourner un peu et attraper la palissade. »« La palissade ? » cria le vieux. « Quoi, la palissade ? Quand il penche de l'autre côté ? Allons, c'est plus loin que la remise. Ça ne touchera pas la palissade. »« Non, » dit Henry, « je ne le pense pas. Il a bien assez de place pour tomber juste, et je crois que c'est ainsi que l'affaire se passera. »« S'il nous donnait sur la tête, hein ? » dit le vieux sarcastique. « Non, pas ça, » dit Henry en ôtant son manteau et sa tunique. « Hé, les canards, arrière !» Quelques cannes tachetées de brun, conduites par un mâle brun et vert, descendaient de la prairie à la queue leuleux, pareils à des bateaux sur une mer agitée. Ils arrivaient à toute vitesse vers la palissade et vers le petit groupe de gens, bavardant avec autant d'excitation que s'ils eussent apporté des nouvelles de l'Espagnol Armada. « Petit nigaud, petit nigaud !» cria Bunford, qui avança pour les chasser. Mais ils accouraient vers elle en ouvrant leur bec jaune vert et lançant leur coin-coin dans leur impatience d'étaler leur reportage. « Nous n'avons rien à vous donner. Rien. Attendez un peu !» leur expliqua Bunford. « Allez-vous-en. Décampez. Oust, à la cour !» Ils n'en firent rien. Alors elle grimpa sur le talus pour les éloigner par le portail et dans la cour. Ils refirent donc leur petit cortège dandinant et babillard, agitant leurs croupions pareils à des proues de gondole, baissant la tête pour passer sur le barreau de portail. Bunford demeurait au sommet du talus, à califourchon sur la palissade, regardant de son haut les trois autres personnes. Henry rencontra ses yeux ronds, ses faibles yeux braqués derrière les lunettes. Il était absolument calme. Détournant les regards, il les porta sur l'arbre incliné. Et, lorgnant le ciel comme un chasseur qui observe le vol d'un oiseau, il pensait en lui-même. Si l'arbre tombe de ce côté et tournoie tant soit peu dans sa chute, alors la branche que voilà la frappera en plein, tandis qu'elle est debout sur le talus. Il la regarda de nouveau. Elle écartait ses cheveux de son front, de ce geste qui lui était coutumier. En son cœur, le garçon avait résolu la mort de cette fille. Une force terrible et calme apparaissait en lui, un pouvoir qui était précisément le sien. Il s'agissait de ne point perdre la moindre parcelle de ce pouvoir-là. « Prenez garde, Miss Bunford !» dit-il. Et son cœur demeurait parfaitement tranquille, dans la volonté nette, terrible, qu'elle ne bougea pas. « Qui, moi, prendre garde ?» cria-t-elle, et sa voix avait le ton goguenard de son père. « Dites donc, vous figurez-vous que votre hache arrivera jusqu'ici ?»« Non, mais il se pourrait que l'arbre... » Mais le son de sa voix parut à Bunford signifier qu'il jouait l'inquiétude et qu'il essayait de la faire partir, parce que c'était sa volonté de la déloger. « Absolument impossible, » dit-elle. Il comprit, mais il demeura froidement calme, tant il craignait de perdre son pouvoir. « Pardon, la chose est possible. Vous feriez mieux de venir ici. »« Oh, très bien. Nous allons voir la manière fameuse dont on abat les arbres au Canada, » riposta Bunford. « Eh bien donc, » dit-il, prenant la hache et regardant autour de lui pour s'assurer qu'il avait le champ libre. Il y eut un moment de silence absolu, pendant lequel on eût dit que le monde s'arrêtait. Puis, soudain, la taille du garçon parut grandir prodigieusement et devint effrayante. Il donna deux coups rapides, étincelants, l'un suivant l'autre, sans intervalle. L'arbre, détaché, tourna lentement, pivota curieusement dans l'air et s'affala, comme de soudaines ténèbres, sur la terre. Nul ne vit ce qui arrivait, nul à l'exception de lui-même. Nul n'entendit l'étrange petit cri que jeta Bunford au moment où la sombre extrémité de la branche s'abattit sur elle. Nul ne la vit se baisser un peu et recevoir le coup en pleine nuque. Nul ne la vit renversée et couchée, petit tas convulsif, au pied de la palissade. Nul, sauf le garçon, et il observait avec des yeux intensément vifs comme il eût observé une oie sauvage qu'il avait tirée, blessée, morte, morte. Aussitôt il poussa un grand cri, March un hurlement qui retentit au-delà, bien au-delà de l'après-midi, et le père un étrange meuglement. Le garçon sauta la palissade et courut à Bunford. La nuque et le derrière de la tête étaient une mare de sang, un spectacle d'horreur. Il retourna cette tête, le corps tremblait dans de petites convulsions, mais Bamford était bien morte. Il le savait, qu'elle était morte. En son âme, en son sang, il le savait. Son destin s'accomplissait, c'était lui qui devait vivre. L'épine était arrachée de ses entrailles. Il reposa le corps doucement. Bamford était morte. Il se redressa. March était là, debout, pétrifié, absolument immobile. Sa face était mortellement blanche, ses yeux de grands étangs noirs. Le vieillard, des pieds et des mains, horriblement, escaladait le talus. « J'ai peur que ça ne l'ait tué, » dit Henry. Le vieux faisait d'étranges bruits, comme s'il pleurnichait en se hissant par-dessus la palissade. « Quoi ?» cria March, bondissant comme sous un choc électrique. « J'en ai peur, » répéta-t-il. Elle s'avança. Le garçon franchit la palissade avant qu'elle n'y arrivât. « Qu'est-ce que vous dites ? Tué ? » fit-elle d'une voix stridente. « Je le crains, » répondit-il doucement. Elle devint encore plus blanche, affreusement. Ils étaient face à face. Les yeux noirs de March posaient sur le jeune homme leur dernier regard de résistance. Et alors, dans une suprême angoisse, dans une ultime défaite, elle se mit à geindre, à pleurer de la manière convulsive d'un enfant qui ne veut pas pleurer, mais qui, par une poussée du dedans, à ce premier petit tremblement de sanglots avant-coureur des larmes, un frisson sec et terrible. Il avait vaincu. Elle était là, absolument désespérée, secouée de sanglots et la bouche agitée d'un tremblement rapide. Ensuite, les enfants pleurent ainsi. Ce fut le déclenchement des larmes, un déluge à n'en plus finir. Elle se laissa tomber sur le garçon, où elle demeura les mains sur la poitrine et le visage levé, pleurant infiniment, convulsivement. Debout, à côté d'elle, il la regardait, muet, pâle, une statue. Il ne faisait pas le moindre mouvement, il la regardait. Et, le cœur et les entrailles torturés, sans doute, par cette scène de douleur, il était heureux, il avait vaincu. Après un long temps, il se baissa vers elle et lui prit les mains. « Ne pleurez pas, » dit-il d'une voix très douce, « ne pleurez pas. » Elle leva vers lui deux sources jaillissantes, un regard sans vie, une figure de désespoir et de soumission, et comme deux yeux d'aveugle. C'était fini, jamais plus elle ne le quitterait, il l'avait conquise. Il le savait et il était heureux parce qu'il la voulait pour la vie. Sa vie était de la posséder. Maintenant, elle était conquise. Sa vie avait ce qu'elle devait avoir. Pas encore, pourtant. Ils furent mariés à Noël, comme il avait arrêté, et il obtint une nouvelle permission de 10 jours. Ils allèrent en Cornouailles, à son village, au bord de la mer. Ils voyaient que c'était pour elle une souffrance intolérable de rester plus longtemps dans cette ferme. Mais si elle était sienne, si elle vivait dans son ombre, elle n'était pas heureuse. Son âme, au lieu de s'épanouir en vie nouvelle, semblait se flétrir, perdre sa sève comme par une plaie. Elle demeurait assise de longs moments, la main dans la main d'Henry, les regards dirigés au loin vers la mer, et dans le vague de ses yeux noirs, il y avait une blessure, et son visage paraissait aminci. Si Henry lui parlait, elle se tournait vers lui avec un faible sourire. L'étrange et tremblant sourire d'une femme qui est morte à l'ancienne manière d'aimer et ne peut tout à fait naître à la manière nouvelle. Elle sentait pourtant qu'elle devait faire quelque chose. Il n'y avait rien à quoi elle pût se consacrer. Et elle ne pouvait point accepter tout à fait d'être dominée par sa nouvelle affection. Si elle aimait, elle devait, de quelque façon, prouver son amour. Elle sentait le harassant besoin qu'à notre époque de considérer l'amour comme une tâche. Mais elle savait qu'elle ne devait plus se vouer à cette besogne-là. Son mari ne le permettrait pas. Elle aurait à se soumettre, passivement, à se laisser submerger sous la surface de l'amour. Elle avait à être pareille aux plantes marines que, du bateau, elle regardait se mouvoir sous l'onde, plantes sensibles, absolument sensibles et réceptives, au sein de la mer obscure, et qui jamais, jamais, tant qu'elles vivent, ne montent à la surface de l'eau. Jamais elles n'y apparaissent que pour y être, après leur mort, de blanchissants cadavres. Mais tant qu'elles vivent, toujours submergées, toujours sous l'onde. Sous l'onde, elles peuvent avoir de puissantes racines, plus fortes que le fer. Elles peuvent être tenaces et dangereuses, en se balançant doucement au gré des flots. Sous l'onde, elles sont plus résistantes que les rouvres de la terre. Mais sous l'onde, toujours sous l'onde. Et elle, étant femme, devait être pareille à ces plantes marines. Elle était si lasse, lasse, tel un enfant qui a besoin de dormir, mais qui lutte contre le sommeil, comme si le sommeil c'était la mort. Elle semblait dilater ses yeux dans son effort opiniâtre et sa grande application à rester éveillée. Elle saurait, elle le considérerait, jugerait et déciderait. Elle tiendrait les rênes de sa propre vie. Elle serait une femme indépendante jusqu'au bout. Mais elle était si lasse, oh, si lasse de tout. Et le sommeil semblait si proche. Il y avait un tel repos chez ce garçon. Mais, assise dans une excavation de la haute falaise sauvage, les regards perdus par-delà la mer, elle dilatait ses yeux. Toujours plus ses regards s'en allaient vers l'ouest, le Canada, l'Amérique. Elle saurait, elle verrait ce qu'il y avait en perspective. Et le garçon, à côté d'elle, les yeux fixés sur les goélands, avait un nuage entre les sourcils et l'attention d'un mécontentement dans les yeux. Il voulait qu'elle s'endormît, en paix, en lui. Il la voulait en paix, endormie en lui. Elle mourait de l'effort qu'elle faisait pour demeurer réveillée. Pourtant, elle ne voulait point dormir, non, jamais. Parfois, il pensait avec amertume qu'il eût dû la laisser. Il n'eût jamais dû tuer Bamford. Il eût dû laisser Bamford et March se tuer l'une l'autre. Ce n'était là qu'impatience. Il le savait, il attendait, attendait de partir. Il éprouvait une hâte presque torturante de quitter l'Angleterre, de s'en aller là-bas et d'y emmener March. Quitter ses bords. Il croyait qu'aussitôt qu'ils auraient traversé les mers, laissé cette Angleterre qu'il détestait, parce qu'il semblait qu'elle lui eût injecté son poison, March connaîtrait le sommeil, elle fermerait les yeux enfin et s'abandonnerait à lui. Et alors, elle serait vraiment sienne. Il vivrait enfin sa vie à lui. Il s'emportait à la pensée qu'il ne vivait pas sa vie. Il ne la vivrait que lorsqu'elle capitulerait et s'endormirait en lui. Il posséderait alors toute sa vie d'homme et d'époux, et elle posséderait toute la sienne, sa vie de femme et d'épouse. Fini l'affreux effort. Elle cesserait d'être un homme, une femme indépendante avec la responsabilité d'un homme. Non, elle ne serait même plus responsable de son âme, ce serait son affaire à lui. Il savait que cela serait, et obstinément, il l'étreignait contre lui, attendant qu'elle capitulât. « Tu te sentiras mieux quand nous aurons passé les mers, quand nous serons au Canada, » lui dit-il. Elle regarda du côté de l'horizon de la mer comme s'il n'était pas réel. Puis elle tourna vers son mari le regard étrange d'un enfant qui lutte avec le sommeil. « Oui, » dit-elle, « sans doute, » répondit-il tranquillement. Et les paupières de March s'abaissèrent lentement sous le poids du sommeil. Mais elle les rouvrit pour dire « Oui, peut-être, je ne puis dire, je ne puis dire ce qu'il en sera là-bas. Si seulement nous pouvions partir bientôt, » dit-il d'un ton douloureux.